Oui, à la griffe, ils m'ont enregistré. Ah, oui, je suis. Merci. Oui, non, pas de problème. Là. Bon, bonsoir. Bienvenue au CIRA. J'espère que vous connaissez le CIRA, sinon c'est une bibliothèque autogérée, une archive anarchiste, purement anarchiste, et c'est une des associations les plus vieux dans le milieu des mouvements sociaux à Marseille. Ça existe depuis 57 ans ici. Et au début, à l'entrée, vous avez des informations sur le CIRA en plusieurs langues. Et il y a des horaires d'ouverture presque tous les après-midi pendant la semaine. Et souvent, le samedi, il y a des présentations de nouveaux livres et des conférences sur des sujets. Là, aujourd'hui, c'est une exception, le mardi soir, mais une exception très très importante parce qu'on est très heureux d'accueillir ici Michael Seidman qui vient de États-Unis et il est en Europe, en Espagne, en Italie, en France pour presque une semaine. On est très heureux qu'on peut lui accueillir ici. Et il va parler sur son livre phare « Ouvrier contre le travail ». Et bon, pour Michael, il va sur l'histoire de ce livre-là, qui est déjà traduit en 6 langues, déjà. Il va développer aussi un peu sur l'histoire de ce livre-là. Moi, je vais vous un peu introduire à son œuvre générale. Il est professeur d'histoire à l'Université de Caroline du Nord à Wilmington. Donc, c'est un peu à côté de l'océan Atlantique. Mais plus ça commence un peu les États-Unis du Sud, là. Et il est spécialiste de l'histoire contemporaine française et espagnole. Il a passé quelques années, il va vous un peu parler, de Paris à Paris et à Barcelone. Et bon, ce livre-là, c'était son première œuvre, c'était paru en anglais tout d'abord. J'ai quelques de ses autres œuvres ici, mais pas tous malheureusement, parce que c'était paru tout d'abord en anglais. Puis il y a d'autres livres qu'il a écrits, notamment sur la révolution espagnole. Là, vous avez Republic of Ego, République des Égaux. A Social History of the Spanish Civil War, une histoire sociale de la guerre civile en Espagne. Ça s'est paru en 2002. Et là, il y a aussi une traduction en espagnol de ce livre-là. Puis, il y a un autre livre que je n'ai pas ici, c'est The Imaginary Revolution, la révolution imaginaire. Parisian Students and Workers in 1968, donc c'est un peu un truc sur 68, sur des étudiants parisiens et des ouvriers parisiens. Là, vous avez là, et ça c'était ça, échange qui va... Oui, la conclusion, c'est le groupe à Paris, Dormi Simon et d'autres échanges qui va traduire la conclusion de ce livre sur mai 68 à Paris. Mm-hmm. Il va paraître dans quelques semaines. Et ça existe en espagnol aussi déjà. Oui, ça va venir en espagnol aussi ce mois-ci. Puis, The Victorious Counter-Revolution, c'est ce qu'on a ici, là. Donc, c'est une étude pourquoi les troupes de Franco ont gagné la guerre. Donc, c'est très recommandable. Là, vous êtes peut-être surpris par les raisons, parce que, notamment, Franco a réussi de fournir de nourriture en continuation de ses troupes et aussi de la population. À la contraire que tous les autres régimes bourgeois, Russie, tsaristes... Contre-révolutionnaires. Oui, oui. Oui, les contre-révolutionnaires russes et chinois étaient incapables de nourrir leurs soldats, leurs peuples. Oui. Les franquistes, oui. Parce que l'argument, c'est que Franco a gagné la guerre, non seulement parce qu'il a fourni la bouffe à ses troupes et aussi ses civils, mais il avait plus de mules. Oui, Franco avait gagné la guerre parce qu'il avait plus de mules et des animaux que les républicains. Donc je suis l'expert mondial des mules dans la guerre civile espagnole. Il fait toujours cette blague-là. Oui, tu l'as mis tous les comics comme ça, il se répète. Oui, non, pour revenir au sérieux, parce que c'est une critique du progressisme, là. Les républicains, ils ont aboli des choses, là, c'était Moyen-Âge, les mules, mais dans les montagnes, pour faire la guerre, là, c'était indispensable. Et là, les républicains, ils n'ont pas eu, là, parce qu'ils ont été trop progressistes. Là. Donc, c'est très intéressant. Ce livre-là, donc, c'est aussi traduit en espagnol, en 2012. Et puis, il y a un autre livre très récent, mais c'est son livre le plus récent, Transatlantic Antifascism, l'antifascisme transatlantique, de la guerre civile en Espagne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça porte notamment sur les années 36 jusqu'à 46. Et il a une définition qu'on oublie un peu souvent, d'antifascisme qui ne comprend pas seulement les antifascistes qu'on connaît, des anarchistes, des russes, des bolcheviques, l'antifascisme bolchevique, mais bon, ce qui est évident aussi, l'antifascisme bourgeois, qu'il appelle l'antifascisme contre-révolutionnaire, parce qu'il veut restaurer l'ancien régime avant la Deuxième Guerre mondiale. Et on oublie très très souvent que bon, c'était la force phare en Deuxième Guerre mondiale qui a combattu Hitler là. Donc c'est une étude sur ces différents courants d'antifascisme. Donc moi je suis très heureux parce que j'ai accompagné Michael Seidman en 2012 pour une quinzaine de jours en Allemagne. Peut-être vous savez que j'appartiens à un courant anarchiste non violente. Et on a traduit, ou la traduction allemande de l'ouvrier contre le travail, c'est ici, c'est la traduction allemande. Et on a passé un merveilleux temps de 15 jours et différentes conférences. Et c'est ce qui m'a frappé, c'était aussi que ces thèses, ils ont été toujours très fortement discutées. Et il y a aussi un intérêt de différents courants sur ce livre-là. Par exemple, à Berlin, je connais des groupes, des chômeurs, ils s'appelaient, c'est un groupe affiché comme ça, publiquement, ils s'appellent des chômeurs heureux. Donc eux, ils ont beaucoup apprécié ce livre-là. Mais il y avait aussi, par exemple, un peu dans le mouvement prolétaire, même certains courants trotskistes, il y avait un développement d'une critique de productivisme, de travail et productivisme. Puis il y avait aussi des courants écologistes qui ont eu un fort intérêt sur une critique du productivisme, c'est ce qui est dedans là aussi, qui commence déjà avec Paul Lafargue, le droit à paresse et des choses comme ça. Donc, c'était vraiment très intéressant d'avoir des débats en Allemagne avec lui et je vous souhaite aussi une jolie soirée avec des débats après. Je vous invite après pour un apéro à prix libre et on a préparé quelque chose pour continuer peut-être les débats entre nous personnellement. Bon, alors je donne la parole à Michael, heureux d'être ici. Moi aussi, et merci infiniment pour cette introduction. Et pour moi, c'était un grand plaisir de passer ce temps en Allemagne que je ne connaissais pas du tout avant que Lou et Grassberg Revolution m'ont invité. Et merci à vous pour être venu, pour m'écouter et tolérer mon accent et mon français. Je l'apprécie beaucoup. Et pardonne-moi parce que je vais lire un texte. Oui, et voilà un texte qu'on peut trouver en partie sur l'Internet que le groupe Échange a traduit en français. Et je vais parler, comme Lou a dit, sur mon premier livre qui est, comme il a dit, mon livre phare dans beaucoup de sens. Et, bon, et mon approche, était très influencée par ma présence en France il y a 30 ans. Bon. Les historiens écrivent presque toujours sur la vie des autres, non sur la leur. Cette focalisation quelque peu complaisante sur moi-même se justifie par les éclaircissements qu'elle est susceptible d'apporter sur les circonstances d'une production intellectuelle et professionnelle et de sa réception. Cette conférence aborde, en outre, certains aspects de l'histoire du travail et de ses relations avec les théories des années 70 à aujourd'hui, 1970 à aujourd'hui, et a finalement pour dessein d'explorer le milieu peu connu mais intellectuellement actif de l'extrême gauche en France durant cette période. Mon premier livre, Workers Against Work, Labor in Paris and Barcelona During the Popular Front, est une monographie universitaire dont je crois l'histoire singulière. Depuis sa parution en 1991, il a été vilipendé et loué, célébré et piraté, trahi et traduit en six langues. Ses admirateurs ont été des intellectuels, des libertaires, des communistes et des capitalistes. Ses détracteurs, tous plus ou moins parallèlement hétérogènes. L'idée de ouvrier contre le travail m'en est venue quoique pas entièrement de la critique du travail post-68 heures dont je me suis imprégné alors que je vivais à Paris entre 1979 et 1982. Je rencontrais à cette époque bon nombre de Français qui redéfinissaient la révolution à venir tout simplement comme il le fait tout simplement comme le fait de ne pas travailler pour un salaire. Leur position rappelait les revendications socialistes, aussi bien marxistes qu'anarchistes du 19e siècle pour une abolition du travail salarié. Prosaïquement, pour survivre dans un environnement urbain où la vie était chère, les jeunes Parisiens de ce milieu occupaient un petit boulot de temps à autre ou vivotaient du chômage et des aides sociales. Boire et fumer, agrémenté par l'usage occasionnel de drogues douces, contribuait à définir ce milieu. Ayant connu la vie d'étudiant aux États-Unis entre la fin des années 60 et le début des années 70, ces activités hédonistes me choquaient moins que leur idéologie anti-travail. Les Parisiens me présentaient des textes essentiels tels que l'anthologie « La fin du travail » de Roberté Arthur, qui vivait ici, et la brochure « Le refus du travail », deux ouvrages qui soutenaient que le travail était une oppression et tout aussi important que les travailleurs y résistaient. au cours des années 60 et 70 en France et dans d'autres nations occidentales, un intérêt nouveau pour l'histoire du travail se fit jour et pour la première fois des historiens se mirent à rédiger la chronique du refus quotidien du travail par les ouvriers. Pendant ces décennies, Michel Perrault et Michel Foucault ont écrit des traités sur le rejet des techniques disciplinaires par les ouvriers, les femmes, les prisonniers et autres. Cette histoire d'en bas redonnée vit à la volonté d'autonomie des classes populaires et reflétait une crise de militantisme. Ainsi que l'écrivait Foucault au début des années 70, je cite, les masses n'ont pas besoin de l'intellectuel pour parvenir à la connaissance. Elles savent tout sans se faire d'illusions. Leur savoir est bien meilleur que le sien et elles peuvent assurément parler en leur propre nom. Fin de citation. Les activistes et militants non ouvriers n'ont qu'un rôle mineur à jouer quand les buts à atteindre sont l'autonomie et l'autodétermination des travailleurs. Les intellectuels ne peuvent pas diriger le mouvement ni lui apporter la conscience au sens léniniste puisque, selon les critiques gauchistes marxisme orthodoxe, c'est la lutte même qui font la conscience des classes et non les intellectuels bien intentionnés. Les ouvrages d'histoire sociale et du travail de Perrault, Foucault et autres confrontaient les désirs de raviver les traditions libertaires. À la fin des années 70 et au début des années 80, plusieurs de mes amis et connaissances à Paris adoptèrent le conseillisme et son mot d'ordre d'indépendance de la classe ouvrière. Le texte clé de Richard Gombin réévaluait positivement ce gauchisme que Lénine méprisait comme soi-disant infantile. Pour leur part, les gauchistes anti-léninistes rejetaient toute direction par les partis politiques révolutionnaires, entre guillemets, et les soi-disant syndicats représentatifs en faveur des grèves sauvages, des occupations d'usines et plusieurs formes de contrôle ouvrier qui, pour eux, préfiguraient le socialisme réel du futur. Suivant cela de la devise de la Première Internationale, l'émancipation des travailleurs doit être l'ordre des travailleurs eux-mêmes, Gombin allégeait que le jeune Georges Lukács, Karl Korsch et Anton Pennekoek s'accordaient pour dire qu'une révolution ouvrière ne devait, pour connaître le succès, reposer en dernière instance que sur les ouvriers eux-mêmes. Toutefois, comme leurs adversaires bolcheviques, ces conseillistes du début du XXe siècle avaient une notion productiviste de la révolution. Ils présupposaient que les travailleurs géraient efficacement les fermes et les usines sous leur contrôle. Le projet conseilliste contredisait les convictions des avocats de l'antitravail dont l'ouvriérisme renouvelé des années 70 postulait que, je cite, le travail est la malédiction de la classe qui boit. Oui, ça vient de regretter Arthur. Le mot d'ordre des situationnistes ne travaillait jamais exerçait une forte attraction sur bon nombre de ces jeunes gauchistes. Le goût de jeu des situs interdisait toute transformation de l'artiste en travailleur à l'opposé de ce qui était advenu dans les États communistes. C'était au contraire aux travailleurs de se convertir en artiste. Les situationnistes possédaient sûrement le sens de la provocation et beaucoup de clairvoyance, Mais on peut se demander si eux-mêmes ou quelques autres groupes gauchistes étaient capables de résoudre la tension entre autogestion ouvrière et inévitable demande sociale de biens de consommation. De fait, les situs ont mythifié les collectivités établies par les anarchistes et les marxistes pendant la guerre civile comme étant le plus grand exploit de l'humanité. Ils ne se sont absolument pas intéressés au refus de travail parmi les travailleurs ordinaires au cours de la Révolution espagnole, sujet qui constitue un des thèmes centraux des ouvriers contre le travail. Autrement dit, le portrait post-68 d'une classe ouvrière résistant au travail était incompatible avec la discipline et l'organisation nécessaires au bon fonctionnement des conseils ouvriers soviétiques et autres types de collectivités productives. La transition entre Paris et mon retour aux États-Unis en 1983 en tant que professeur assistant à la Rutgers University in New Jersey ne fut pas facile. Mon impression fut que l'université américaine n'avait pas beaucoup changé alors que moi aussi. Les arguments iconoclastes d'ouvriers contre le travail défiaient les trois écoles dominantes de l'histoire du travail dans les années 80. Le marxisme anglo-américain, la théorie de la modernisation et le culturalisme. Les marxistes postulaient le développement progressif de la conscience de classe qui allait permettre aux travailleurs et à leurs représentants d'administrer efficacement les forces productives. Les théoriciens de la modernisation demandaient aux travailleurs de s'adapter à la société industrielle et d'abandonner graduellement ce que moi-même j'appelais résistance au travail ou refus du travail. Grève, ralentissement de la production, absentéisme, maladie simulée, retard, larcin et sabotage. Les culturalistes ou les postmodernistes soutenaient que le langage pouvait donner aux travailleurs un sens au travail. Ouvriers contre le travail essayaient de montrer qu'aucune de ces théories n'était en mesure d'expliquer l'incessante résistance des travailleurs au travail. Ironiquement, ces refus de travail salariés ont persisté et se sont parfois aggravés pendant les fronts populaires de la fin des années 30 en France et en Espagne, plus précisément entre 1936 et 1938 à Barcelone et à Paris, alors que le pouvoir politique était aux mains de la gauche. Ouvriers contre le travail s'engageaient, comme les théories de Marx et de Guizot, dans l'examen de la formation et de la formation des classes sociales et de leurs relations. La révolution et la guerre civile espagnole avaient éclaté en juillet 1936 dans un pays où, comme en Russie ou en Chine, la bourgeoisie était faible et incapable d'accomplir la révolution bourgeoise, c'est-à-dire créer une nation unifiée, développer les moyens de production, séparer l'Église de l'État et les autorités militaires des autorités civiles. À Barcelone, révolutionnaires, anarcho-syndicalistes, communistes et socialistes s'emparent des usines mais se retrouvent confrontés à des grèves, des ralentissements de la production, absentéisme, et des maladies simulées, l'indifférence et la faible productivité des travailleurs de base. les militants des partis et des syndicats réagir à la résistance des ouvriers par les mêmes moyens répressifs que les capitalistes qui les avaient précédés dans la gestion des usines, en conditionnant la paix à la productivité et en sanctionnant les absents. À bien des égards, les expériences à la fois des travailleurs et de l'encadrement pendant la Révolution espagnole répétaient celles de leurs collègues soviétiques pendant et après la Révolution russe. En France, le Front populaire était réformiste, pas révolutionnaire, contrairement à ce qui en était en Espagne. C'est la bourgeoisie française qui a donné naissance au modèle de la révolution bourgeoise en unifiant la nation, en imposant un nouveau rapport entre la religion et de l'État et en développant résolument les forces productives. Une révolution n'était pas à l'ordre du jour des militants français de la classe ouvrière. En juin 1936, Léon Blum, le chef du Parti socialiste, devenait premier ministre dans un gouvernement de coalition de Front populaire et accordait aux travailleurs français des augmentations de salaire, la semaine de 40 heures et 2 semaines de congés payés. Néanmoins, les salariés en voulaient plus et de 36 à 38, ils menaient une guérilla contre le travail. La productivité chuta dans de nombreuses usines clés de Paris à mesure que les militants syndicalistes prenaient le pouvoir dans les ateliers et rendaient le travail aux pièces, en opérant en fixant des quotas de production dérisoires. Cette baisse de production entraîna d'énormes problèmes économiques et politiques pour le gouvernement Blum et le Front populaire. Le parti radical centriste, partenaire vacillant de la coalition, commença à s'éloigner des socialistes de Blum qu'il tenait pour responsables de la faible productivité et de l'inflation qui s'ensuivait. Le centre et la droite considéraient que la médiocrité de la production dans l'aéronautique causait du tort à la défense française, les ouvriers allemands sous le régime nazi travaillant 50 ou 60 heures par semaine, tandis que les travailleurs français travaillaient 40 heures seulement. Confronté à une Allemagne toujours plus menaçante et une inflation galopante, la droite obtint le contrôle du gouvernement et en novembre 1938 mit brutalement fin au Front populaire en brisant une grève générale de soutien à la semaine de 40 heures. En conclusion, pour ouvriers contre le travail, les expériences menées à Barcelone et à Paris dans les années 30 montraient qu'il était difficile, sinon impossible, de construire une démocratie ouvrière sur le lieu de travail. L'ouvrage prétendait aussi contribuer à une théorie de l'État en soutenant qu'un État fort et potentiellement répressif constituait un préalable pour mettre les ouvriers au travail. Ce sont des lecteurs étrangers qui procurent à Ouvriers contre le travail la tribune qui lui avait fait défaut dans les cercles universitaires et gauchistes américains. En 2006, un groupe gauchiste d'Athènes, apparemment trotskiste, portant le nom de Fil Rouge, en édita une traduction très parcellaire. Mais c'est en 2010 et 2011 qu'Ouvriers contre le travail renaquit, à ma grande surprise, avec la publication de 3 traductions. À la même époque, j'apprenais par hasard que les éditions Sinon et Véro de Marseille, un collectif s'auto-proclamant communiste, entre guillemets, avait une version française piratée, qui est en face ici, piraté en cours d'impression, qui parut en juin 2010. Ce piratage inspira ma réponse communiste, entre guillemets, personnel, dans lequel je demandais, évidemment, sans résultat, la gratuité et la libre distribution d'ouvriers contre le travail à tout lecteur intéressé. Je lis la carte. Chères éditions, ce non libéraux. Ne connaissant pas du tout votre maison d'édition, j'ai été étonné de voir sur votre site web que vous avez annoncé la prochaine parution de votre traduction en français de mon premier livre « Workers Against Work ». J'ai donc examiné les rubriques de votre site et appris que vous preniez l'abolition du capitalisme et la communisation des rapports sociaux. Par conséquent, lorsque votre édition dénuée de toute autorisation d'ouvriers contre le travail paraîtra comme prévu en mai 2010, je vous prie poliment d'en distribuer des exemplaires totalement gratuits à chaque lecteur que vous en ferez la demande. J'en voudrais pour ma part 100 que je ferai suivre aux individus et institutions intéressées. Si vous ne pouvez remplir vos obligations de communiste et de distribuer mon ouvrage gratuitement, je me sentirai obligé d'accorder les droits d'auteur d'ouvrir contre le travail à un autre éditeur, moins exploiteur. Bon, mais évidemment, il n'y en avait pas. Sincèrement, d'autres. Cette multiplication de traductions au cours de la première décennie du XXIe siècle montre sans doute que par suite de l'effondrement du communisme à la fin du siècle dernier, la gauche radicale est en quête de perspectives nouvelles. L'extrême gauche est maintenant plus ouverte à un examen critique du travail salarié dans les sociétés qui revendiquaient du socialisme et du communisme. Par ailleurs, le déclin des partis communistes hégémoniques dans les pays non communistes a permis un débat intellectuel élargi entre diverses composantes de gauche rivalisant pour prendre la place du parti discrédité. De nouvelles générations sont apparues qui se préoccupent peu de défendre une gauche vieille ou nouvelle, à laquelle elles n'ont jamais participé. D'une certaine façon, ces gauchistes sont revenus aux racines de l'histoire du travail qui avait pris naissance chez les radicaux en dehors des cercles académiques. Étant donné mes limites linguistiques, je n'ai pas à suivre les débats soulevés par la traduction d'ouvriers contre le travail au Japon, en Grèce ou en Turquie. Par contre, en France, la version française de mon ouvrage a stimulé les discussions parmi une nouvelle génération de militants d'extrême gauche. Les géminologues, un groupe ayant pour vocation de préserver les travaux et la mémoire d'Antoine Jiménez, ex-membre de la colonne d'Eruti, anarcho-syndicaliste pendant la guerre civile espagnole, ont consacré 6 pages d'analyse aux collectivités espagnoles. Le chroniqueur y considérait ouvrier contre le travail comme une importante contribution à la littérature sur les collectivisations révolutionnaires en Espagne. Pour les géminologues, ouvrier contre le travail rend compte de ce qui a fait à la fois la force et la faiblesse de l'anarcho-syndicalisme. Le rédacteur de ce compte-rendu faisait cette importante observation que les militants révolutionnaires ne sont pas devenus répressifs par quelque envie perverse du pouvoir, mais plutôt parce qu'ils voulaient combattre la résistance des ouvriers au travail. Je cite, tout ceci est à prendre en compte pour ceux qui parlent d'autogestion aujourd'hui. Fin de citation. Un compte rendu moins chaleureux a été publié en ligne par les Red Skinheads de France qui se définissaient eux-mêmes comme des skins, je cite, antiracistes, anticapitalistes et antisexistes qui expriment un antifascisme viscéral et énergique dans les rues et dans les concerts. Fin de citation. D'après l'auteur de ce compte-rendu, ouvriers contre le travail semblent de prime d'abord répéter banalement les arguments ces militants révolutionnaires du 21e siècle et des situationnistes selon lesquels le prolétariat était plus révolutionnaire que ses dirigeants anarchistes ou communistes. Moi-même, l'auteur Seidman se laissait trop facilement aller à critiquer les militants de la CNT qui voulaient que tout ouvrier possède sa propre bagnole et ceux du Parti communiste français qui aspiraient à maintenir l'unité antifasciste du Front populaire. Ouvriers contre le travail sympathisaient excessivement avec ces ouvriers ordinaires qui voulaient échapper à l'usine et vivre dans l'instant. Mais la révolution solennelle, ni en Espagne ni en France, ne pouvait signifier que, pour les ouvriers, je cite, la libération totale. En conclusion, notre critique adaptait un point de vue plus positif sur ouvriers contre le travail qui rejoignait celui des géminologues. L'ouvrage ne devrait pas être lu comme un tract gauchiste et poser des bases d'une anticipation nécessaire des problèmes inévitables que la révolution aurait forcément à affronter. Les révolutionnaires, tels que les Redskins de France, devaient être conscients que les masses préféraient prendre du bon temps que travailler, même face à la menace fasciste. Comme leurs prédécesseurs durant les fronts populaires, les révolutionnaires pourraient être contraints à utiliser la répression contre les travailleurs pour garantir la survie de la révolution et la défaite du fascisme. Ouvriers contre le travail est, je cite, un des seuls ouvrages sur 36 qui se penche dans le détail de la fameuse transition. Les faits décrits dans ce livre en font un excellent remède au romanticisme échevelé de l'insurrection qui vient. Fin de citation. Une réévaluation de l'interprétation sous un angle collectif de la résistance contre le travail est apparue au cours de la dernière décennie du XXe siècle. Durant cette période, certains analystes se sont clairement aperçus que le capitalisme tendait à détruire les solidarités fondées sur le travail, avait fait du salarié un consommateur privé dans une société capitaliste. Partir de l'individu, ce qui est généralement considéré un faux pas méthodologique par de nombreux sociologues, anthropologues et historiens, amène à s'interroger sur la nature des solidarités et exige de reconsidérer les conceptions marxistes du travailleur et de la classe ouvrière. De ce point de vue, la résistance au travail reflète l'individualisme profondément enraciné des ouvriers aussi bien que leur solidarité de classe. Compte tenu que les utopies modernes les plus influentes sont collectives, l'approche centrée sur l'individu se pose en grande partie à la perspective utopique originale qui a révélé les résistances au travail. L'importance accordée aux particuliers fait un peu plus éclater le concept de classe. L'intérêt des libertaires et des marxistes pour ouvriers contre le travail manifeste le désir des militants d'extrême gauche de défendre, mais aussi de réanimer et réviser leurs théories. Contrairement aux générations précédentes des gauchistes qui assuraient que les ouvriers travailleraient pour la révolution, les héritiers d'aujourd'hui sont peut-être nombreux à constater que le problème le plus difficile ne serait pas tant de renverser la bourgeoisie que de mettre les salariés au travail pour la cause. Ces gauchistes ont accepté de meilleur gré qu'un bon nombre d'universitaires les arguments d'ouvriers contre le travail, selon lesquels le mouvement ouvrier fut souvent un effort de la base pour éviter le lieu de travail et échapper au temps de travail. De nouveaux éléments de la gauche radicale ont apprécié la mise en question du productivisme à la fois des traditions capitalistes et anarchistes ou marxistes. Ils ont accueilli positivement la conclusion d'ouvriers contre le travail selon laquelle la prolongation du travail salarié servirait probablement de caution aux besoins pour la société d'un État répressif afin de maintenir les travailleurs au travail pendant et peut-être même après la révolution. L'étrange histoire d'ouvriers contre le travail démontre les vicissitudes d'une œuvre intellectuelle et de sa réception. Un ouvrage reçu avec ambivalence par le milieu universitaire américain en 1990 a trouvé une audience plus enthousiaste en terre étrangère une génération plus tard. L'histoire du travail est retournée ses racines non académiques du début du XIXe siècle. Ces fragments personnels d'historiographie révèlent qu'un livre est comme un enfant. Son auteur peut le concevoir, mais une fois venu au monde, il vit sa propre vie totalement imprévisible, indépendamment de son géniteur. Et je vous remercie pour m'écouter. Merci beaucoup, Marcel. Alors, on laisse un peu poser. Et le débat est ouvert. Monsieur Personne. Je sais pas, j'avais juste une question par rapport à ta présentation, je te tutoie. En fait, j'ai l'impression que dans la façon dont tu présentes la question de la résistance au travail par les ouvriers, tu la présentes beaucoup, alors que dans le bouquin, c'est pas forcément le cas, de manière très individuelle. D'ailleurs, tu as parlé aussi de la question de l'individu. Oui. Donc, quelle est pour toi la place du collectif dans la résistance au travail ? Dans l'histoire, justement, de cette période qui va de 36 à 38 et après. Parce qu'il y a aussi une tendance dans l'après 68, justement, à individualiser le rapport à la lutte anti-travail, qui est un truc sur lequel c'est quand même deux choses différentes. Oui. Mais moi, je pense qu'il y a deux courants dans la résistance au travail. Un courant est collectif, les grèves par exemple, le syndicat qui demande moins de travail. L'autre est plus individualiste, par exemple absentéisme, ou les maladies simulées, qui bien sûr invoquent une certaine complaisance des travailleurs ou même les syndicats, mais qui sont plutôt des faits individualisés. Oui, je ne sais pas si ça répond totalement à ta question, mais là, il y a deux choses là, et les deux sont très importantes. C'est-à-dire que ça cohabite même à l'époque, des trucs, enfin, justement, sur l'espèce, je ne vais pas dire de mouvement squat, parce que ce n'est pas exactement ça, mais beaucoup de gens qui occupent des maisons vides en 1936 en Espagne, beaucoup de gens qui décident d'aller vivre un peu à l'écart à ce moment-là, quoi. Oui. Parce qu'il y a moins de pression, effectivement, du travail, parce que la guerre n'est pas là, etc. Oui, non, mais en Espagne, c'est intéressant parce que la révolution espagnole, pour moi, veut dire pour beaucoup de travailleurs, travailler moins, et aussi ne pas payer le loyer ni les impôts. Évidemment, ça pose des problèmes énormes à l'État républicain espagnol. C'est une des raisons pour laquelle ils ont perdu la guerre. Ouais. Ils n'avaient pas d'impôts, par exemple. Donc, ça a encouragé l'inflation. Ouais. Donc, il y a les deux choses là. Ouais. Collective et individuelle. Donc, c'était un mouvement très important, ces résistances au travail. On ne peut jamais éliminer, je pense, la résistance au travail, même si on élimine les syndicats ou des organisations ouvrières, parce que ça va toujours persister au niveau individuel. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ton bouquin, c'est le fait que ça pose la question de la période de transition, finalement. Mmh. Et de la dictature prolétarienne. Mmh. Dans les faits, avec des arguments historiques, tu prouves que c'est pas parce que les dirigeants sont méchants, effectivement, que ça marche pas, c'est parce que, objectivement, la mise en forme ne peut pas que ça marche. Il ne peut pas faire que ça marche. Mmh. Ça a été le cas, évidemment, pour les ministres, dont on a soupé, mais ça aurait pu être le cas, effectivement, pour les conseillistes, s'ils avaient le pouvoir, malheureusement, je crois. Oui. Et ça a été le cas pour les anarcho syndicalistes. Voilà. Et ça, je pense que c'est le grand mérite de ton livre. Merci. Voilà. Non, merci. Je pense que vous avez bien compris ce livre. Mais je l'ai lu depuis longtemps, mais ça a été quelque chose qui m'a tout à fait interpellé. Voilà. C'est bien. Je ne sais pas, pour aller dans le sens de ce que tu dis, on est venu il y a cinq mois de ça, des gens qui ont présenté le bouquin Pétrograd Rouge. Donc il y a aussi ce questionnement par rapport, alors eux ils vont être dans un rapport strictement différent puisqu'ils sont justement du point de vue du conseil ou du comité ouvrier, ils vont dire ben, le comité ouvrier il pose la question de la réorganisation du travail et tu vois qu'il y a toute une disciplinarisation qui se pose quoi. Mmh. Et cette disciplinarisation elle vient en parallèle à ce que tu dis en face, qui est la nécessité, qui est l'enjeu de l'utilité. Tu nous dis à la base, oui, ben, Franco, il gagne avec des mules. Mm-hmm. Et si le fascisme, c'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est même pas le fascisme, quoi, c'est un arriérisme du capitalisme, mm-hmm. une espèce de, je sais pas ce que je vais dire, de féodalisme de moi à la con, mais bon, voilà, enfin, de retour en arrière, mm-hmm. qui parvient à l'emporter contre l'union antifasciste républicaine, c'est bien qu'à un moment, il y a un enjeu, effectivement, de savoir qu'est-ce que la force collective, elle est capable de structurer face à face à l'ennemi quoi. Mm-hmm. Et c'est vrai que en le prenant strictement du point de vue de la question de la résistance au travail, mm-hmm. on oublie la question justement de en quoi cette dynamique collective de la lutte contre le travail elle peut poser, je veux dire, un mot énorme, je sais pas, l'empêchement de la reproduction, parce que c'est souvent le truc de dire on peut détruire mais l'enjeu après c'est d'empêcher la reconstruction mm-hmm. De l'ordre établi quoi. Mm-hmm. C'est ça aussi à mon avis qu'il faut essayer un peu de développer quoi. Ouais. Je pensais que j'ai voulu avoir un avis sur le fait que ton livre a été commenté de façon lobative aussi bien par les communisateurs d'une certaine façon que par des gens comme ceux de la critique de la valeur qui ont abandonné explicitement la théorie du prolétariat. Et même les géminologues sont effectivement sur les positions de la critique de la valeur. Donc, il y a effectivement des champs de courants idéologiques un petit peu différents, quand même, qui ont apprécié d'une manière positive ton bouquin. Par rapport à ça, comment tu te situes ? Je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment au courant de ces débats. Oui, et c'est vrai. Oui, je ne comprends pas exactement ces débats. Oui, et je suis historien, donc bien sûr, j'étais très influencé, comme j'ai essayé de dire, par les débats français, mais la théorie de valeur et les débats entre l'extrême gauche française, je ne capte pas tellement bien, franchement. Oui. Oui, je connais ça aussi d'un théoricien allemand, de Robert Kurz. Il a aussi développé un critique de productivisme et avec ça, il s'est approché aussi. Non, mais il y a chez eux une véritable critique du capitalisme. Mm-hmm. Seulement, c'est vrai qu'ils abandonnent comme sujet historique le prolétariat. Mm-hmm. C'est clair et net. Mm-hmm. Et ce qui fait qu'il y a une confusion à la clip qui est qu'ils sont désignés comme contre-révolutionnaires. Alors, bon, moi, je ne suis pas d'accord sur cette position-là, mais c'est vrai qu'effectivement, ils ont eu une très favorable forme de bouquin comme le tien. Je ne vais pas le savoir. Peut-être je veux un peu dire deux choses très, très jolies que je trouve très, très, très détaillées. Par exemple, en Espagne, là, on sait bien que les anarchistes ont été des athées. Oui. Mais ils voulaient bien garder. Athées violents. Oui, mais ils voulaient bien garder les jours fériés catholiques. Oui. Et devinez pourquoi. Et une autre chose, mais, c'est... Mais ils ont éliminé plusieurs jours fériés catholiques. Oui. Il y a une affiche très jolie, enfin, c'est pas ça, avec un soldat républicain qui prend ses, comment on dit, baïonnettes et sur le calendrier espagnol-catholique en disant « on a trop de fêtes ». Non. Oui, on a trop de fêtes, il faut travailler, comme la Révolution française ou la réforme protestante, il y avait la même tendance, oui. Le catholicisme, c'est une religion de paresse, oui, il faut travailler plus, donc il y a trop de jours fériés. Non, c'est dommage, je n'ai pas ici cette affiche, parce que c'est très bien fait, comme les affiches espagnoles, de réalisme socialiste espagnol, mais ça montre très bien cette idéologie productiviste des anarchistes espagnols, ouais, pendant la guerre, avec toute la pression de la guerre. Peut-être avec ton ordinateur, tu peux le trouver, oui. Je ne sais pas. Non, calendrier, là, oui. Là, c'est anarcho-primitiviste, ici. Oui, bon. Oui, d'accord, il n'y a pas une connexion. Non, mais parce que ça montre vraiment ce que je viens de dire. Oui, Et pour la France, je trouve très parlant, c'est aussi... la définition de fascisme que tu as proposée à l'intérieur des usines. Mm-hmm. Parce que là, il y avait un mot courant que les gens qui voulaient, les gens de haut étage des usines, qui voulaient avoir une productivité plus, oui, bon, dans le base des ouvriers, ils ont été appelés des fascistes. Vous êtes des fascistes. Exactement. Quand il y avait quelqu'un qui voulait qu'on produise plus. Oui, quand on veut faire travailler aux ouvriers, c'est contre-maître souvent, où ce patron est devenu fasciste à leurs yeux. Et dans ce sens, il avait raison, oui. Parce que, comme j'ai dit, les Allemands travaillaient 50-60 heures par semaine. C'était pas... Ils avaient raison. Et l'antifascisme des ouvriers a voulu dire « travaillez moins ». Ouais. C'était ça le problème du gouvernement Blum. Un grand problème. Ouais. Et pour moi, le plus grand problème, c'était la semaine de 40 heures. Ouais. Vous ne pouvez pas résoudre ça dans le cadre du Front Populaire. Ça a fait éclater le Front Populaire à la fin de 1938. C'était cette question. Parce que toute la gauche l'a soutenu, les radicaux ont dit non, c'est pas possible d'avoir une nation qui ne travaille pas assez. Hein? En fait, il y a un truc qui me questionne, encore une fois, c'est dommage quoi. C'est par rapport à la question, j'allais dire, de l'utilité du livre pour toi. Quoi. C'est pour ça que j'ai essayé de te poser la question par rapport à la question de l'organisation collective face au travail. C'est en quoi la résistance au travail est pour toi un moteur autre que une donnée, j'allais dire, sur la question du fait de poser la perspective révolutionnaire. Bon. En quoi, au-delà du fait de le dire, ben voilà, c'est un témoignage. Ah, regardez, il y a eu des gens qui ont fait ça. Oui, oui. Mais je ne sais pas si une autre fois je vais répondre bien à ta question, qui est très bonne, mais très difficile. Je pense le problème des conseillistes, des situationnistes, des anarchistes, tous ces groupes-là, c'est qu'ils ont pensé qu'on peut démocratiser une usine. le lieu de travail. Et pour moi, je vais te donner une métaphore. Oui, c'est comme demander aux prisonniers de démocratiser leur prison. Oui, ça ne peut pas fonctionner. Oui, c'est impossible. Oui. Et ça, c'est ça. Donc, je pense, d'une perspective révolutionnaire, il faut faire autre chose que vraiment la démocratisation d'une institution si répressive. Ouais. C'est tout ce que je peux dire. Ouais. Mais non, mais tel que tu l'as dit dans ton introduction, depuis que tu étais à Paris dans les années 70, tu as connu effectivement tout un milieu radical, oui, qu'on pouvait dire anti-travail. Bon, moi j'ai participé vu mon voyage, hein, et c'est vrai qu'on a cru assez naïvement aussi dans un premier temps qu'on avait presque une représentativité politique active, et on s'est vite rendu compte qu'il était inutile, qu'il n'était pas possible de parler dans ces termes à n'importe qui, n'importe comment. Et que notre message, finalement, ne pouvait pas passer. Bon, ce que disaient les situs, pourquoi le peu de pénétration de la théorie révolutionnaire dans le milieu ouvrier. Bon, mais il y a toujours eu cette espèce de micro-société radicale, avec des pratiques particulières, une way of life, ne pas travailler ou travailler le moins possible. Enfin, moi, j'ai connu une époque où travailler dans notre milieu, c'était presque infamant. Voilà. Ouais. Donc ça aussi, il faut le savoir. C'est vrai que maintenant qu'on en parle 40 ans après, on te regarde avec les yeux ronds. Quoi. Mmh, ouais. Il y a eu effectivement, même si c'était le fait d'une minorité, en particulier à Paris, quelques milliers de gens qui constituaient ce milieu. Ouais. Et qui avaient la prétention politique dont pouvait parler Juppé, c'est-à-dire le fait d'avoir, au-delà d'une pratique purement individuelle, un point de départ politique. Il y a eu des groupes autour de ça, bon, comme Négation, comme Crise communiste, etc., etc. Il y a eu des groupes. Et tout ça, quand même, s'est dilué, malheureusement, historiquement, bon, maintenant, 50 ans après, c'est... Alors, effectivement, actuellement, comme le disait Camaral, est-ce que les choses peuvent ne rester qu'au niveau individuel, après le constat d'un historien bien documenté comme toi, ou alors se donner des formes organisationnelles ou politiques possibles ici et maintenant? Moi, je suis très sceptique. Sinon, moi, j'ai toujours une... Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui avec le développement du capitalisme quand on pense qu'il y a une tendance, voulue ou non voulue, de que on dit en général, le capitalisme mène à une situation où il n'a plus besoin du travailleur, plus besoin, soit robotisation, soit digitalisation, des choses comme ça. Est-ce que ça ouvrit un bois d'intégrer la résistance au travail aux continuations du capitalisme? Oui, je pense, oui. Je pense, oui, c'est une possibilité. Oui, c'est une possibilité si les gens, et ça c'est j'en doute, mais si les gens pensent rationnellement, oui, ça ouvre une grande possibilité d'éliminer beaucoup de travail salarié, oui. Mais en même temps, ça rend le travail salarié très cher et très valable. Oui, il y a les deux côtés, non? Il y a des grandes possibilités, et en même temps, les gens luttent pour le travail salarié qui reste. Oui. Donc, je ne sais pas comment résoudre cette contradiction. Oui. Parce que c'est là, mais ça ouvre de grandes possibilités, évidemment, d'une perspective rationnelle. Oui. Soit disons collectiviste, socialiste, ce que tu veux dire. Je crois que les Raéliens, sont très portés sur le sujet, ils veulent abolir le travail salarié pour la machine. Moi, là, j'ai une question, c'est sur. Après, c'est aussi un truc qu'on se pose, nous, quand on milite ou des trucs comme ça, mais c'est. Quelle peut être la portée, bon, pas de ce format d'un bouquin, ça me paraît un peu compliqué, mais de ce type d'idée dans, au travail. Quelle peut être l'intervention contre le travail qui peut être possible au travail aujourd'hui, quoi. Hors période révolutionnaire, hors. C'est très. C'est une théorie comme ça, qui est quelque chose qu'on essaye de relier à des pratiques ou des choses comme ça, mais qui sont quand même super complexes à évoquer, même si. Il y a chez plein d'ouvriers une forme de résistance individuelle, de sabotage, d'absentéisme, de maladies non justifiées, de flemme, de quart d'heure de cause permanente, comme ça, en suspens des cadences généralisées. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de grèves qui sont pas contre le travail, qui sont. Pour changer l'organisation du travail, mais pour le maintenir. Oui. Après, quand la grève peut-être dure suffisamment longtemps, qu'il y a des luttes suffisamment fortes, ça peut basculer sur autre chose, sur des gens qui ne veulent pas retourner au travail, qui veulent un espèce de truc. Oui. On est accompagné par la musique. Mais tu vois, c'est questions-là qui sont. Oui. Qui sont très. Non, mais les grèves sont un phénomène, comme tout le monde le sait, très intéressant, parce que là, on montre, oui, que même si, comme tu viens de dire, on fait grève pour réorganiser le travail, des choses comme ça, mais la forme de grève, c'est ne pas travailler. Oui, c'est très universel, non? Oui. Oui. Le seul fait de ne pas travailler, ça crée d'autres rapports entre les gens. Oui, oui. Enfin, c'est déjà quelque chose. Oui, et je me suis toujours demandé pourquoi les ouvriers ont choisi cette forme de lutte. Oui. Et la réponse, c'est que ça montre leur désir de ne pas travailler. Oui, malgré toutes les raisons pour la grève, plus de salaire, oui. Oui. Parce que, bien sûr, ils pouvaient choisir une autre forme de contestation. Ouais. Je pense que les situations sont vachement difficiles d'un travail à l'autre, hein. Enfin, vachement différentes, parce qu'une caissière, pour réduire son temps de travail effectif, elle va avoir du mal. Enfin, après, elle peut se... je ne sais pas trop ce qu'elle peut saboter. Après, moi, j'ai travaillé pour une commune, il y avait des boulots à faire, on pouvait les faire soit en une heure, soit en une semaine, hein. Et personne n'était à pas de contrôle. Donc les situations sont vachement différentes. Et après, même dans les communes, tu as un tas de boulot. Enfin, on embauche les gens parce qu'il faut qu'il y ait moins de chômage, mais ils n'ont même pas de boulot, quoi. Et donc la résistance au travail, c'est plus facile quand tu n'as pas une cadence infernale par rapport au boulot où les gens sont surveillés. Bon, après, ils peuvent se mettre en maladie, mais au bout d'un certain nombre de maladies, on va les foutre dehors aussi, quoi. C'est bien sûr que tout le monde a envie d'en faire moins. Je pense pas que des staccanovistes peuvent rester beaucoup dans nos sociétés, mais c'est plus ou moins facile selon l'endroit où tu es. Moi, je pense que j'ai travaillé 38 ans de travail effectif, j'ai dû en faire la moitié, quoi. Et le reste du temps, j'ai bouquiné, j'ai fait plein de choses, j'ai eu de la chance, mais j'ai eu de la chance, quoi. Et je pense qu'il y en a certains, ils n'ont pas beaucoup de chance, quoi. Ouais. Et puis il y en a qui meurent au travail aussi, quoi. Ouais. Et c'est là qu'on arrive face à des questionnements strictement individuels et qui, du coup, ne posent pas des perspectives d'émancipation. Moi, par exemple, quand nous, on a fait l'enquête ouvrière, on revient parce qu'on fait des enquêtes ouvrières sur le travail. Et dans la question du rapport aux luttes et à l'organisation, on pose les choses de manière séparée. C'est-à-dire le moment de la lutte, le temps de la lutte collective et la question du rapport de force. Parce que tu parlais de grève, on va parler de sabotage, on va parler de toutes ces pratiques qu'on met avec des gros mots sur un fond avec un drapeau noir. Et puis bon, en vrai, en réalité, c'est des pratiques qui sont réelles dans le travail et quotidiennes. Ces pratiques en soi, elles n'ont rien d'émancipateur. Tu dis par exemple, il y a des grèves, moi je pourrais te dire, il y a des grèves totalement intégrées. Ok, on croise les bras, mais au final, il n'y a pas de modification du cours quotidien, de la vie, il n'y a pas de rencontres, etc., etc. Des grèves peuvent être complètement fermées. Quand on pose la question du sabotage ou de la lutte et du rapport de force à l'intérieur du travail, Et bien là, on est aussi face au fait que c'est un élément aussi de conservation du travail et de maintien de la situation. Je ne dis pas qu'en soi, il faut abolir les sabotages ou quoi que ce soit. Mmh. Je dis juste que le rapport de force, il existe dans le cours quotidien et que nous, on est, c'est bien difficile d'aller avec notre espèce de, d'œil de, je sais pas, de monocle de scientifique, de regarder, de dire ça en soi, c'est subversif et ça, ça ne l'est pas. Quoi. Mmh. Alors nous, on le coupe sur la question de l'activité collective. Mmh. C'est vrai que l'intervention collective, elle cause la remise en cause de plein de choses à l'intérieur du travail. Ouais. Alors qu'individuellement, ce que tu peux aller faire, c'est aller t'éloigner le plus possible du centre du capital et attendre le moment où on va te spolier ton, ton terrain. Quoi. Mais ça peut être le cas, par exemple, en Italie, tu vois, en Roumain, de ce qu'on appelle l'autonomie ouvrière, effectivement. Ou contrairement un petit peu à ce que dit le camarade, c'était des conditions terroristes rigoureuses. Ils ont réussi, effectivement, dans un moment particulier, à imposer, effectivement, des choses, radicalement. L'arrêt du travail, la grève, la baisse des cadences, etc. Là, on rejoint un petit peu la dimension sociale collective, au-delà de l'individualisation. Pour éviter, actuellement, on n'arrive pas à dépasser, effectivement, ce niveau-là, pour l'instant. Non, mais l'Italie, c'est un très bon exemple, et c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec toi, parce que là-bas, il a fallu, après 68, 69, quand les ouvriers vraiment travaillaient très très peu, il a fallu que l'État italien réprime ces mouvements. Oui, parce que le capitalisme et le communisme ne peuvent pas survivre sans le travail. Ça, c'est pour ça. Les grèves, dans beaucoup de sens, pour moi, sont subversifs. Oui. Et l'Italie, après, le mai rampant, comme on dit, montre exactement ça. Oui. Pour moi, au moins. Dans ton analyse de l'avancée en France, tu parles des mouvements de l'extrême gauche, mais tu ne parles pas des mouvements, on peut qualifier aussi d'extrême gauche ou pas, mais qui sortent du mouvement de ce qu'on appelait le mouvement écologiste et libertaire, c'est-à-dire des gens autour de la gueule verte, de GB, de l'an 01, tout le courant antiproductiviste qui s'est développé à ce moment-là et qui est un courant anti-travail, quoi, anti-capitaliste, parce que il est contre la, parce que dans le travail, il y a production. Ça. Après, ça dépend comment, quelle production est faite, quels sont les besoins et tout ça et tout. Et tu parles pas trop de ce que tu ne l'as pas trop mis en avant, j'ai pas l'impression que tu n'as pas trop réfléchi là-dessus. Ou est-ce que si tu as réfléchi là-dessus, est-ce que tu peux en dire quelque chose? Oui, et c'était qui? Tu as cité quelques personnes et un mouvement? À droite, il y avait le journal La Gueule Ouverte, qui était une partie des... Je ne connais pas. Malheureusement, j'aimerais bien le connaître, parce que... Mais je ne connais pas. C'est le journal qui était parallèle à Rakiri, Charlie Hebdo, etc. Bon, c'était non. La même maison d'édition. Avec quelqu'un qui s'appelait Fournier, son président. Il était Fournier. C'est un journal qui est sorti aussi par rapport aux luttes antinucléaires, qui justement posait la question du produit. Non, c'est intéressant, mais malheureusement... Et de comment l'État étatisé le travail avec ses experts, et toutes les questions qu'on se pose avec tout le temps, on a... Oui. Non, ma connaissance est assez limitée là. Oui, mais j'aimerais bien les regarder. Et ce journal est paru exactement à quelle époque? C'était post-68, il paraît. Oui. 73, non. Oui. Oui, très bien, parce que ça m'intéresse beaucoup et je retravaille sur ça maintenant. Je suis en train de repenser, qu'est-ce qui a été nouveau, qu'est-ce que je peux dire de nouveau sur ça, et lire ça va m'aider beaucoup. Ouais. Et est-ce que là tu t'es intéressé, mettons, Vous êtes toute l'expérience qui se passe sur ce qu'on appelle à Notre-Dame-des-Landes, à Bure, tout ça, sur la contestation de... Oui, oui, mais je ne connais pas grand-chose, je n'avais pas vraiment le temps pour explorer, mais c'était Merti, des géminologues, qui m'a introduit à Lyon il y a quelques jours, oui, la semaine dernière. Et elle a parlé un peu de ça, et elle a dit, si je l'ai compris bien, que ces gens-là, les zadistes, se justifiaient par le travail qu'ils ont fait dans les champs là-bas. Ouais. C'est, les flics ne travaillaient pas, les flics détruisent, nous, les zadistes, construisent. Et ça, c'est très intéressant parce que ça remonte au discours ouvrier syndicaliste du 19e siècle. Les flics sont toujours les feignants. Et on trouve le même discours aujourd'hui. Bon, il y a quelques-uns qui sont déjà partis. Je vous invite de peut-être continuer la discussion entre nous dans un apéro. Mais on a... Pour ceux qui sont restés, un bon cadeau pour oui. vous tous. Alors, on a écouté le discours de Michael, donc le livre est gratuit. Forcément, vu qu'on ne l'a pas payé. Les éditions nous ont très bien. Ne vous battez pas. Allez-y tranquillement, c'est gratuit. Nous ont donné par mauvaise conscience.